J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery. Vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 et sur internet pour les gens qui ne seraient pas sur Montpellier. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, on va se lancer dans le baptême, donc on va se lancer dans la piscine du émission avec plein de monde. Du coup il y a beaucoup de monde autour de la table, enfin beaucoup de monde entre guillemets. Aujourd'hui on va partir sur une émission thématique. Au lieu de vous parler d'un comics en particulier, on va parler de tout le genre super-héroïque au cinéma. Et la question du jour, c'est le genre super-héroïque est-il voué à mourir au cinéma ? Et on va commencer par se dire bonjour, on va commencer comme ça, parce que les femmes en premier. Salut Faye ! Bonjour James, bonjour les auditeurs, bonjour messieurs autour de la table. Salut Faye. Comme on va partir dans les toits, quelqu'un que vous avez déjà entendu dans une émission spéciale sur Dr. Horrible, c'est Léopold de la chaîne YouTube The Viewer. Salut Léopold. C'est moi, merci de l'invitation. Bonsoir à tous. On continue avec Juni, comme d'habitude. Allô. Voilà, comme d'habitude, toujours le. Ouais. Quelqu'un que vous avez entendu la semaine dernière ou il y a deux semaines. Il y a deux semaines, c'est Marc, qui était là il y a deux semaines, qui étudie en sociologie sur le cinéma. Donc voilà. Je suis ravi d'être ici en tout cas. Et nous aussi, on est ravis que tu sois là. Et quelqu'un d'autre qui nous ravit toutes les semaines, c'est Mathieu. Salut Mathieu. Elle lui fait des compliments, elle est pas content. Non, je sais que c'était un truc derrière la tête. Le gros lèche-cul. Ouais. Donc salut Mathieu. Salut à tous, oui. Et le petit dernier qui est arrivé la semaine dernière et qui revient, c'est Thomas. Salut Thomas, ça va ? Ça va bien, ça va bien. Et est-ce que vous êtes tous prêts à vous lancer dans ce débat incommensurable où j'ai interdit qu'on parle de BVS? Non, si, on va en parler un peu pour en dire du bien. Voilà, donc on va commencer. J'ai posé la thématique, enfin, non, techniquement, Faye a posé la thématique et Faye a écrit le plan. Et on va commencer avec trois grandes questions. Donc, pourquoi nous on aime le genre? Après, on va enchaîner sur les périodes positives et les périodes négatives du genre. Pourquoi il y aurait peut-être un désamour du genre, et on va finir par le futur du genre super-héroïque au cinéma. Est-ce qu'on va refaire un top 10 de nos films préférés? Non, on va pas refaire un top 10 de... On peut faire genre un qu'on aime et un qu'on déteste. Oui, on verra, oui. J'aurais dû vous dire avant, mais les surprises c'est toujours mieux. Comme ça vous aurez le temps de chercher. Donc cherchez pendant l'émission, cherchez votre préféré et votre moins bon. C'est bon, je les ai, on l'a déjà fait. Tu les as ? Ok. C'est Faye qui va nous faire un petit historique, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais sur notre chaîne YouTube, Faye avait fait une conférence avec le fossoyeur de films et un grand connaisseur en comics, Jeff the Wanderer du site comictool.fr. Donc pour une convention, on avait fait une conférence autour du genre super-héroïque, donc elle avait déjà fait tout un historique et tout, donc vous pouvez aller, si ça vous intéresse, allez le voir, c'est sur la chaîne YouTube de l'Amicale du Geek. Donc voilà, et tu vas nous le refaire en direct, en plus court. Oui, bon, on va faire ça simple. En gros, il y a le cinéma, il y a le comics existe, et depuis la naissance du comics, il y a des films de super-héros. Alors au départ, c'était en fait des sérioles, c'est-à-dire c'était comme une série télé, mais avec, un film un peu plus long qui se finissait sur un cliffhanger, et on revenait plus tard pour voir la suite, voir si le héros s'en sortait. Donc un des premiers qui était adapté, c'était Batman. Après, il y avait aussi Superman, bien sûr, James. Oui. Voilà. Ensuite, il y a eu les séries télé, Batman, Superman et compagnie. Les films on de Richard Donner, tout ça. On a eu d'abord, mon cher James, on a eu le film, ce film d'anthologie qui est classé dans les nanars. Donc le film de l'adaptation de la série télé. Avec le bat spray anti-requin ou je sais pas quoi. Voilà, la bat dance, enfin tout. Ouais, c'était voilà. Génial. Après, et ensuite, les films de Richard Donner. Voilà, un des films qui a beaucoup marqué, justement, c'était, me semble-t-il, en 78, si je dis pas le connu, 77. Je connais pas les dates. Le premier Superman de Richard Donner, me semble-t-il, qui est un des films qui a marqué le public et qui a donné son côté, on va dire, plus populaire aux gens. Ouais. En gros, pour planter le décor. Et après, on a une deuxième période avec le renouveau, je pense que c'est Blade qui a fait une... Alors, on a déjà eu toute une période après avec les Batman de Tim Burton, jusqu'au Batman et Robin qui a un peu détruit le genre. Après, on a eu une renaissance justement avec le X-Men de Bryan Singer. pour aller jusqu'au Batman de Sam Raimi, ouais, Spider-Man de Sam Raimi, pour aller jusqu'au Batman de ton ami Nolan, Christopher Nolan. Et le Spawn aussi qui a relancé, ouais, Spawn, ouais, vachement, qui a relancé le fait de faire des films, bon, qui était pas terrible, d'accord, mais qui a relancé le fait de faire des films. Après il y a eu des grands films, la Daredevil, mais à la base il y a un petit moment aussi où non, ils ont retenté le genre à ce moment-là, avant les X-Men de Singer et oui, il y avait les Blades, il y avait un peu tout ça là, ça a tatouillé un peu le terrain, quoi. Voilà, c'est à dire qu'on cherchait mais on trouvait pas les bons outils jusqu'à arriver à ce qu'on a maintenant. Je viens d'y penser maintenant, mais je précise, on reste sur le genre super-héroïque, donc on va pas parler de, enfin, on va parler juste un peu de Star Wars. Pas parler d'adaptation de comics, parce que l'adaptation de comics, ça va parler de tout et n'importe quoi, parce que comme je l'ai, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est Les Sentiers de la Perdition, le film avec Tom Hanks, qui est une adaptation d'un comics, mais qu'on ne sait pas forcément que c'est un. Donc moi je pense qu'il va y avoir, enfin, s'il y a un déclin du genre, ce sera plus du genre super-héroïque en général. On parle pas de Tortue Ninja, tout ça, on en parle pas. Pilgrim. Tortue Ninja, The Mask, je le mettrais peut-être dans. Ouais, non, The Mask, peut-être pas, non. The Mask, non. Je pense qu'on peut en parler, mais peut-être dans une autre partie, sur. Plutôt en fin, je pense, dans la troisième partie. On va peut-être faire un premier tour de table, savoir pourquoi on aime le genre super-héroïque et on va commencer par nos invités. On va commencer par Marc. Ouais. Alors, pourquoi on aime le genre? Moi au cinéma, c'est 2 heures de plaisir où tu peux te relaxer, vraiment sympa. C'est l'adaptation des trucs que tu as lu sur papier. Je pense que c'est pour ça, voilà. C'est un vrai moment de relax. Hein. Ok. Sans plus, c'est pas des films qui. Qui te hype tant que ça, tu. Si, je vais aux avant-premières et tout. Qui révolutionne le genre. Ouais, pas trop, voilà. Quoi. Tu cherches pas des films d'auteur, en fait. Non, c'est pas des grands films, c'est des bons films de divertissement. Ok. Paul, Léopold, excuse-moi. Alors film de divertissement, bon, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Oui, bien sûr. Il y a toujours des films d'auteurs super-héroïques, hein, ils sont de plus en plus. Christopher Nolan, par exemple. Mais c'est vrai que moi personnellement, le genre de super-héros, j'ai une approche de divertissement également vis-à-vis du genre. Mais j'aime quand même toujours être surpris. Par exemple, on a Logan qui va bientôt sortir et que je sens qu'il va aller un peu plus loin que ça. Espérons-le. Il y a trop d'attentes sur ce film. Tout le monde va être déçu. Moi, je le sens tellement. Enfin, on en parlera après. Ce serait bien triste. Mais non, c'est vrai que en fait, je pense que ce qui me fait vraiment m'attacher à ce genre, c'est les personnages. Ce qui me traverse du comics d'origine, la plupart du temps. Mais c'est vraiment les épreuves que traversent les personnages au fur et à mesure du film, leurs évolutions. Parce que toujours le gentil confronté au méchant. Globalement, mais quand c'est bien écrit, ils ont une évolution qui est toujours très intéressante, okay. Et très attachante, okay. Surtout chez Marvel qui aime bien malmener ses personnages. Ouais. Bah voilà, tu parles, fallait pas parler ça, toi Johnny, vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait encore? dans mon cas, en fait, le truc c'est que j'ai pas grandi avec les comics, j'ai grandi avec les bandes dessinées en général, ouais. Donc non, jamais. Enfin, faut qu'on s'enlève de la tête le côté adaptation de comics, vraiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas grandi avec les films de super-héros comme étant des adaptations de trucs que je lisais. J'ai grandi avec le film en tant qu'œuvre directe, en fait. J'ai connu comme ça. Et donc j'ai connu le super-héros par le film, ouais, en fait. Et je suis assez comme Léopold, c'est-à-dire que je me suis intéressé pas juste pour le côté grosse explosion et plein de scènes d'action, c'était aussi les histoires, en fait. Et c'était probablement dû au fait que quand on était gosse, les films qui sortaient comme Sam Raimi, par exemple, et surtout reconnaissable parce que c'est un film de super-héros, mais c'est un film de super-héros fait par quelqu'un qui avait vraiment une idée derrière, qui voulait faire un film sur un personnage qu'il aime. Il y avait ce côté un peu film d'auteur, justement, ça restait du grand public, mais il y avait vraiment une intention derrière. Donc c'était surtout ça, en fait, qui m'attirait le plus. Ok. On va passer à Faye, tiens. Ben moi, ce qui m'attire, il y a d'abord le côté grand spectacle, c'est-à-dire tu en prends plein les mirettes, t'as des grosses scènes d'action. Après, il y a le côté, moi c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup attiré, c'était les films de Tim Burton. Oui. Parce qu'il y avait ce côté un peu, surtout le deuxième, ce côté conte gothique sombre. Donc, moi, ça me plaisait. Après, j'aime beaucoup les personnages aussi, surtout quand ils sont torturés ou qui sont pas bien dans leur vie. C'est pour ça que j'ai une affection pour Spider-Man ou les X-Men, par exemple. Ouais. Donc voilà, et puis quelque part, ça a un côté un peu rassurant d'aller voir un film de super-héros, parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose de positif, et se dire que finalement, il y a une certaine justice dans ce monde. Et donc, pendant 2 heures et quelques, on oublie nos problèmes et on a un héros qui nous sauve, comme dirait très bien un groupe qui a fait la musique d'un film de Spider-Man. C'est un héros qui nous sauve. Ouais. Je vois de quoi tu parles. Je suis Thomas. Bah moi comme un peu Juni, genre j'ai grandi avec ces films et je savais pas trop à la base que c'était des comics. Enfin je me rappelle même plus vu que j'ai direct grandi avec les Spider-Man de Sam Raimi. Ouais. Après je me suis mis aux comics vite fait. Et bah tout simplement, je sais pas, c'est quelque chose qui remonte de mon enfance, je pense, surtout. Et j'ai accroché à ces personnages en BD, en comics. Et ensuite, bah c'est le fait de les voir en film qui me fait le plus plaisir. Mais en tout cas, j'ai commencé avec les films de Sam Raimi. Je me suis beaucoup identifié aux personnages des petits. Et je sais pas, c'est resté depuis. Du coup, je les suis un peu comme des objets de consommation, en fait, maintenant. C'est plus ça. Okay. Des objets de consommation, de divertissement, tout simplement. Mathieu ? Alors moi, en tant que vieux con, c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai grandi avec les comics et c'est juste un kiff hallucinant de les voir au cinéma dans des super productions. La scène basique, c'est Avengers quand dans la bataille à New York contre les Chitauri où t'as un gros travelling circulaire où t'as les personnages qui sont dos à dos. Ça me fait dresser les poils à chaque fois. C'est juste magique. Le petit Avengers Assemble. Ouais, on l'attend toujours. Ça c'est normal, c'est un dieu vivant qui l'a réalisé. De Joss Whedon. Et bah, moi, je vais parler d'une notion que personne n'a parlé encore autour de la table et qui est peut-être un peu plus, qui colle peut-être un peu plus au film Marvel, au film Warner aussi. C'est l'idée d'univers partagé et c'est un truc qu'on voit pas trop au cinéma à part dans le genre super-héroïque. Et je suis vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me plaît moi. Star Wars. Excusez-moi, Star Wars aussi. D'ailleurs, tu dis ça. Mais d'ici 5 ans, on l'aura partout. Hein. C'est ça. Pas forcément si oui, c'est une mais bonne moi, chose. Ça me plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça. J'aime beaucoup cette idée quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, moi, je trouve ça cool. Bah, ça peut être bien fait, mais après, il y a forcément des failles. C'est vrai que chez Marvel, chez DC, on commence. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop ça. Chez Marvel, il y a des films où tu te dis, ouais, mais il y a aussi Iron Man qui aurait pu intervenir là. Ouais, mais puis... ça, c'est pas une question. Enfin, c'est une... Dans n'importe quel comics, tu vas lire un comics et te dire, mais pourquoi là, il a pas appelé. Oui, mais je peux reprocher la même chose aux comics. Après, je lis moins de oui, comics. Oui, tu lis moins de comics, oui. Mais c'est vrai que. Mais je trouve que c'est pas un argument de dire ça. Bah oui, mais. Enfin, bah, moi, je trouve quand t'es dans bon un univers partagé, faut une cohérence. Ouais, je pense. Être cohérent, quoi. Après, il y a une explication, il y a une vidéo qui explique pourquoi est-ce qu'il était pas dans le dernier Civil War. Hein. C'est qu'il avait pas de téléphone portable et que personne pouvait le joindre. C'est très drôle, cette vidéo d'ailleurs. Non, mais je suis d'accord, quand on fait un univers partagé, il faut vraiment avoir quelqu'un qui chapeaute tout ça, qui vérifie tout. Et... Qui est un mec limite juste engagé pour ça. Ouais, rien qui fait ça. Et... Tu veux pas aller, dit, mec. Tu veux pas aller chez la Warner bah, par exemple, dans Star Wars, ils sont partis dans cette optique. Et chez Warner, c'est Jeff Jones qui est en train de prendre. Qui est en train d'essayer de rattraper. Ouais. Bonne chance. Sur quel film il était Jeff Jones, il a rien fait encore. Il essaie de rattraper les pots cassés. Ouais, après, il arrivait après Suicide Squad. Non, il arrivait pendant Suicide Squad. Il est crédité à Suicide Squad comme producteur exécutif. Ok. Et quand on voit un film comme Thor 2, genre on se dit pourquoi il y a personne qui arrive, genre. S'il vous plaît. Oui, surtout Thor 2. Oui, mais voilà, mais tu vas lire n'importe quel exemple. Je reprends, tu vas lire n'importe quel comic, genre pendant Spider Island, pourquoi pendant Spider Island, il y a pas. Le comic, c'est pas le même format au cinéma, ça peut pas paraître crédible. Exactement. Mais oui, mais surtout pourquoi tu te poses pas la même question. Tu te poses exactement la même question. Pour être réaliste, enfin, il y a plein de choses qui font que ils veulent que ce soit réaliste. Donc moi, quand il y a une invasion d'aliens à New York, ils viennent tous. Quand c'est en Angleterre, il n'y a plus que Thor. C'est un peu étrange quand même. Dans les comics, tu peux comprendre pourquoi. Et attends, tu rajoutes en plus les séries télé, genre Agent Shield, par exemple, t'as un beau bordel. Hein. Bah pour ça, on va pas le rajouter là-dedans, on va dire c'est autre chose. Mathieu ? Bah, ça, à la limite, chronologiquement parlant, t'as Captain America qui était dans le Winter Soldier, Iron Man qui était dans le 2 ou 3, Thor qui était dans son coin. Enfin, à ce moment-là, chronologiquement, ça me paraît pas scandaleux. Quoi. Oui, moi non plus. Hein. Moi, ça me fin... Après, c'est du comics. Hein. Donc, mais effectivement, là, pour le coup, ils étaient tous les trois un peu dans un truc, hein, pour l'os différent. Ouais, mais par contre, c'est quand même un peu facile de dire oh bah, ils étaient tous occupés. c'est à chaque fois, c'est l'excuse. Et comment on fait pour sortir 6 films par an, à un moment donné, si jamais on n'a pas 2-3 films par an. Mais après, il faut pas en faire 6 par an. En termes de films, ils sont obligés de créer une attente. C'est-à-dire, s'il y a 2 films par an et que dans tous les films par an, il y a tous les Avengers, où la lassitude va s'installer plus vite. Il a raison. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs, à force. On en parlera après. C'est le thème de. C'est quoi le sujet après. Ça commence à prendre en compte ça quand même, parce que t'avais le Faucon dans Ant-Man qui du coup est là pour amorcer son arrivée dans Civil War, mais dans Thor 3 t'auras Doctor Strange et Hulk. Et Spider-Man t'auras Iron Man. Spider-Man t'auras Iron Man, voilà, ça commence à, à être corrigé comme défaut. Ok, ouais. Est-ce qu'il y a un moment du genre que vous retenez en vous disant là c'était peut-être l'âge d'or, là où moi c'est le moment que je kiffe le plus Sam Raimi et Christopher Nolan. C'est, tu parles, c'est pas la même période. Il n'y a pas d'argument, c'est tout. C'est deux périodes différentes, oui. C'est complètement. Okay. Mais c'est pour moi les deux meilleures périodes, en tout cas. On va rester sur les, les invités, peut-être, avant ah bon oui, si tu veux. Et on va, bah, vas-y, Léopold, tu mets le temps, Liro. Bah, moi, il n'y a pas vraiment de période, en fait. Je trouve que depuis que ça fait à peu près 15-20 ans que c'est l'âge d'or au cinéma du genre super-héroïque. Il y a des grosses daubes et puis des pépites, comme ça, de temps en temps. Il y a surtout des grosses daubes, quand même. Si on fait le compte, il y a quand même beaucoup de mauvais films. On va pas commencer à compter les. Ça arrive plus tard. Non, on y serait encore dans deux heures. Marc, est-ce que t'as un genre ou une période préférée? Ouais, bah, je me rappelle bien aussi des balbutiements du début des années 2000, fin 90. Avec X-Men, tout avec ça. Avec X-Men, même les Daredevil et tout. Moi, j'ai des. J'ai eu le biberon avec Batman Forever. T'as eu une mauvaise enfance. Et du coup, quand moi j'ai des bons souvenirs, par exemple d'Iron Man. Tes parents, ils t'aiment pas, ils doivent pas t'aimer, franchement. Si. Et voilà, Iron Man, c'est ce qui pour moi marque le début d'un renouveau du truc. Ouais, voilà. Par rapport aux années 2000 qui étaient beaucoup plus compliquées. Ouais, vas-y Mathieu. Moi, il y a un moment une période qui me manque, c'était justement au début des années 2000, les balbutiements un peu de ce qu'allait devenir tous ces univers partagés. Quand ils testaient des trucs un peu peut-être. Ouais, et que dans chaque film, en fait, tu lorgnais, mais comme un goré dans tous les coins pour voir un emblème, un nom, n'importe quoi, que t'attendais les scènes post-génériques comme un fou parce que ça allait lancer quelque chose. Bah, je me rappelle peut-être, c'était le X-Men 2, quand Jean Grey se jette dans le machin, dans le barrage à la fin, que tu vois l'ombre du phénix. On était debout dans la salle avec des potes en disant « Ah, phénix !» Et sinon, le 3, c'était comment du coup? Mais il n'existe plus. Allez, le 3. C'est parti. Allez, j'allais dire, c'est exactement pareil. J'allais citer la même période que Mathieu, exactement le même film. Mais quand on découvrait quoi. Sinon, ce que j'aimerais dire, c'est que Nolan, pour moi, ça représente la période où on a arrêté de prendre les gens qui aimaient ce type de film pour juste des gros cons qui regardent des films. Ils se sont dit, ah, mais merde, en fait, on peut faire un truc intelligent. C'est devenu à la mode. C'est sorti du truc film pour jeunesse en fait. Ouais, parce que moi, je sais que. Confiance à Christo. Excuse-moi. Ouais, non, je disais juste que moi, quand je disais, j'aime bien Batman. J'aime bien tel truc et tout. On me dirait, c'est des trucs pour petits, c'est débile, c'est pas du cinéma. Thomas, vas-y. Ouais, moi je dis juste, c'est parce qu'on a fait confiance à Christopher Nolan qu'il a fait un aussi bon film en fait. Parce que la plupart des réalisateurs maintenant, tu la coupes pour ils dire sont ça, ouais. dirigés par des grosses productions. Je pensais que c'était intéressant, je vais te répondre, c'était très intéressant. Et je rajouterais surtout, il n'y avait plus d'attente sur Batman, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Parce qu'après Batman et Robin, ouais, c'est sûr que. Effectivement. Et bah, on pas va de crédit de carte. Est-ce qu'on on va couper je pense qu'on en a assez dit sur le genre. Pourquoi il nous aimait? Est-ce que vous avez un dernier mot? Pourquoi vraiment c'est le genre de. Enfin, pourquoi c'est le genre de cinéma que vous voulez voir au cinéma, tout simplement? Un dernier mot, non? Avant qu'on passe à la première pause musicale. Que j'aime ça. Non mais c'est vrai que les personnages c'est assez incroyable parce que pareil j'ai grandi j'ai aimé le genre en regardant les films et pas en lisant des comics et c'est vrai que maintenant je suis tellement attaché aux personnages que tu es en train de faire ton coming out, tu aimes les hommes en collant, c'est ça que tu es en train de dire? C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Non, il préfère juste les culottes, c'est tout. D'accord. Ok. Non mais ouais, du coup maintenant à chaque fois que je vois une image d'un film, je suis hypé et c'est incroyable que la fibre ait réussi à développer quelque chose comme ça en moi, alors que pourtant parfois je vais voir un film, je sais que je vais le surkiffer. Ça veut pas dire que je vais trouver que c'est un chef-d'œuvre en sortant, mais je sais que je vais prendre mon pied quoi. Ok. Vas-y, tu fais ta meilleure. Pour conclure, j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, c'est les nouveaux Disney. C'est-à-dire que quand t'étais petit, t'avais le Disney qui sortait, t'étais content de le voir et oui, tout. C'est vrai, t'as raison. Et finalement, pour les fans de comics, c'est genre, j'ai mon Disney. Et c'est pour ça que c'est assez ironique que Disney ait racheté Marvel. Pareil avec Star Wars un peu. Ouais, non, mais Star Wars, c'est genre le plus beau cadeau de Noël, tu vois, que tu peux offrir à un enfant, quoi. Ouais. C'est une pub, pour Lucasfilm. Ah non, mais j'attends de voir Kylo Ren en IMAX, là, il m'a manqué. Oh. Ok, bon, on va passer à la première pause musicale. J'assume pas trop la chanson. Même si je l'aime bien en demeurant, mais c'était par rapport au thème de. Elle collait bien au thème de l'émission, donc voilà. Vous comprendrez que vous l'avez entendu. C'est pas grave. La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais. L'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais. Mes chocolats glacés. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient. Bye bye, rendez-vous à jamais. Mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Et on continue le débat pendant les pauses, tellement c'est passionné. Donc vous l'aurez compris, c'était Eddie Mitchell la dernière séance. Je pense que c'était je le dis encore, j'assume pas trop la chanson, mais c'était dans le thème, donc c'est, pas mal, c'est, pas c'est mal. Rigolo, c'est rigolo, on va dire ça. Ouais, c'est comme l'enfance quand tu regardais des vieux films et tout, tu pouvais très bien voir par exemple le vieux Batman. Exactement. Avec Adam West, me semble-t-il, avec cette scène de requin fantastique. Et si tu vas pas me laisser dire que vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2 et sur internet pour les gens qui seraient pas sur Montpellier, c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Et aujourd'hui, nous sommes en émission thématique. Et la thématique du jour, c'est le genre super-héroïque est-il voué à mourir au cinéma? Et on va commencer de suite avec, on va faire un deuxième tour de table pour savoir pourquoi. Est-ce que le genre super-héroïque va mourir au cinéma? Et c'est la question que je vous pose, c'est ça. Alors on va commencer encore une fois par les invités. Et on a commencé par qui là tout à l'heure? Bon bah par Léopold. Personnellement, je pense que le genre a encore quelques années devant lui quand même, hein, déjà le temps de mettre un terme à cette première ère de l'univers Marvel, hein, donc ça arrivera fin 2019 avec Avengers 4, qui n'est plus Infinity War, du coup, on sait pas, mais et le temps aussi que l'univers DC se mette en place, on a jusqu'en 2020 là pour le coup, à peu près. À mon avis, dans 3 mois c'est plié. T'es trop petit. Je pense pas, je pense que ça a marché Wonder Woman et Justice. Mais oui, ça fait trop bien. Mais je pense qu'il a encore quelques années devant lui, mais forcément la réponse c'est oui, c'est amené à mourir un jour ou l'autre, enfin mourir entre guillemets, en tout cas s'éteindre doucement. Parce que. Revenir tel un phénix. C'est ça, après quand même quelques décennies, ouais. Parce que le cinéma en fait c'est souvent cyclique, les genres ont leur période de gloire. Qui dure quelques années, quelques dizaines d'années dans les meilleurs des cas, et puis s'éclipse. Hein, y a eu le western qui aujourd'hui est plus trop à la mode, le film d'espionnage qui revient un petit peu, on en a eu beaucoup l'année dernière, 7 ou 8 je crois. On a eu les comédies musicales qui ont eu leur heure de gloire dans les années 50 je crois, par exemple. Donc on verra, pour l'instant moi je lui donne encore au moins 5-10 ans à bien fonctionner comme il le fait actuellement, parce que chaque sortie est un événement, hein, chaque sortie de film de super-héros est un événement, encore aujourd'hui, encore en 2016, et encore, on verra en 2017, mais je pense. Mais moi, pour, l'idée de la thématique m'est venue parce que plus je vois des nouveaux trucs sortir, moi je suis hypé parce que je suis fan du genre, mais je vois plein de gens autour de moi, genre, pour pas les citer, Nathé Alice de Nathé Alice in the Morning, chaîne YouTube géniale si vous connaissez pas, allez voir, qui à chaque fois me disent, mais moi je vais plus y aller parce que, elles sont dans le grand public, elles aiment pas forcément le comics, et je vois de plus en plus de gens du grand public me dire, mais moi ça me hype plus du tout, j'ai plus envie d'y aller, enfin les Marvel. C'est compréhensible. Pareil. C'est que nous en fait, pour les personnes qui aiment bien les BD ou les univers un peu comme ça, on va dire que avant que ça commence à devenir une grosse vague, t'avais en majorité que des bandes dessinées à lire. Et les bandes dessinées, t'en avais une pléthore, donc tu lisais pas tout, tu lisais les trucs les plus intéressants. Maintenant, on a une pléthore de films et tu regardes pas tout, tu regardes les plus intéressants. Et tu regardes ceux qui ont l'air d'être honnêtement bien faits, pas juste nouveaux produits dans la liste de Marvel d'ici les 5 prochaines années. Ok, on va continuer le tour de table et Marc. Je voulais rebondir un peu là-dessus et dire que bon, si tu connais des gens comme ça qui décident de plus y aller, faut se dire aussi que c'est souvent des films qui ont pour spectateurs des enfants. Des enfants et leurs parents. Effectivement. Et tant qu'il y aura des enfants qui seront divertis par ça et qui voudront acheter les jouets des super-héros qu'ils aiment, le genre, il aura de quoi être autofinancé. Oui, effectivement. Tu as complètement raison. Quelqu'un veut enchaîner, quelqu'un, vas-y, Faye. Moi, comme je le disais en antenne, je compare ça un peu avec ce qui s'est passé pour la Jap Animation, quand il y avait énormément de cassettes qui sortaient, de DVD et tout. Au bout d'un moment, ça s'est auto-étouffé et les gens en avaient marre, et du coup, on en avait pratiquement plus. Et là, moi, ce que je vois, c'est que tant qu'on aura toujours la formule Marvel appliquée à toutes les sauces, qui va s'exporter chez Warner, qui va s'exporter à droite et à gauche, et on va arriver à ça, on va en avoir marre. Moi, perso, je commence déjà à me lasser. Genre, tu m'emmènes voir un Marvel, j'y vais en train dans les pieds maintenant, quoi. L'exemple total, Lego Batman qui sort dans quelques semaines maintenant, t'avais pas envie d'aller le voir parce que... Ça a l'air génial. Oui, ça a l'air tellement génial. Mais... Ouais, j'avais pas envie d'aller le voir parce que je n'ai pas aimé Lego. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, c'était cool. C'est une pub. Oui, mais elle est pas fan de Lego. Tu peux lui jeter des briques si moi, tu veux. Moi, je veux voir le Scorsese. Je m'en fous, je veux voir le Scorsese. On va enchaîner avec Juni qui a l'air de s'ennuyer là-bas, vas-y. Non, du tout. Attends, rappelle-moi la question. Est-ce que le genre super-héroïque est-il voué à mourir? Mourir, je sais pas, mais si on regarde déjà ce qui s'est passé quand Iron Man et Dark Knight ou Batman Begins sont sortis, c'était en quoi, 2007, c'était un truc il y a 10 ans. Et le truc c'est que le connaisseur. Et comment dire, il m'a coupé du coup. Déjà à l'époque, on parlait de mort du genre super-héroïque et c'était moins crédible à l'époque que maintenant, parce que comme j'ai dit, c'est une question d'offres et de demandes, on va dire. C'est-à-dire que quand t'en as pas beaucoup, tu regardes ceux qui passent parce que tu te dis, il n'y en aura pas un prochain avant 4-5 ans. Maintenant, t'en as un tous les 3 mois ou un truc comme ça, et c'est toujours un studio différent, et à chaque fois, c'est un peu plus ou moins la même chose. En particulier Marvel, j'avais utilisé l'analogie du gâteau, c'est-à-dire que on te donne un gâteau une première fois, la recette fait que le gâteau, niveau goût, il est pas extraordinaire, mais il est plutôt bon, du coup, t'en prends un autre, et encore un autre, et au bout d'un moment, c'est un peu fade parce que c'est exactement le même gâteau en permanence avec, on va dire, un peu de crème au-dessus qui change légèrement, quoi. Et t'es juste fatigué, en fait. Okay. Et tu commences à regarder ailleurs, forcément. Mathieu, vas-y. Moi, je vais rejoindre déjà Léopold. C'est un genre, donc évidemment, qui va mourir à un moment donné. Effectivement, il a cité les westerns, les films de guerre, tout ça, les slashers au début des années 2000. Enfin, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. D'autant plus que là, je vais me permettre de citer Spielberg qui a dit qu'effectivement, il suffit qu'il y ait 2-3 fours et, en termes d'entrée pour que les studios se retrouvent. Mais il marche. Le problème, c'est même Suicide Squad marche. Oui, il marche, mais les films à 1 milliard de recettes, à mon avis, c'est terminé. Effectivement, il y en a de moins en moins. Le point d'interrogation pour moi, c'est la Chine. Parce que la Chine est en train de se réveiller et que quand ils vont au cinéma, ils y vont par paquet de 2 millions. Et alors, que du coup, t'as des super-héros chinois partout. Oui, parce qu'ils sont en train de racheter pas mal de boîtes déjà de production. Quoi. Mais Jurassic World a marché grâce à ça. Transformers, je sais pas quoi, a marché grâce à ça. Si on a Blink dans X-Men et Katana pour être dans Suicide Squad, c'est aussi pour dragouiller un peu par là-bas. Je trouve que Marvel, ils sont pas cons, mine de rien, avec leur formule d'arriver à tenter d'avoir un univers partagé pour accrocher les gens et les suivre. Et effectivement, ouais, ça va encore durer quelques temps, mais ça finira par s'écrouler. Un bon blockbuster, ça coûte 200 millions, tu rajoutes 100, 150 millions de publicité, ouais, si jamais t'en as 2-3 qui foirent, ils vont laisser tomber, quoi. Bah Thomas, vas-y. Je vous trouve pas très optimiste. Ouais, bah... moi, je pense que le genre de super-héros... le genre du super-héros, je pense que... Comme on le connaît actuellement, je pense qu'au bout d'un moment, il va arrêter d'être comme ça. Et comme avec, on a parlé de différentes vagues, et je pense qu'il va y avoir encore différentes vagues, parce que le genre du super-héros, il existe quand même depuis super longtemps maintenant. Depuis les Superman avec Christopher Reeves, donc... je pense que c'est, comme l'a dit... Léopold, c'est un truc cyclique, quoi. Ça va évoluer différemment plus tard. Ça va renaître. Ouais, non, je suis d'accord, ça va renaître. Et ce qui va faire peut-être une renaissance de ce genre, c'est peut-être ce qui se passe actuellement, parce que souvent le cinéma est lié à la société dans laquelle il évolue. Tu prends les films d'horreur dans les années 70, c'était le reflet des peurs de l'époque et autre chose. Et tu vois maintenant, ça part sur d'autres choses. Quand tu vois Scream, c'est parti, ouais, zombie. Et quand tu vois Scream, ouais, par exemple, qui a apporté un renouveau parce que c'est reparti sur les bases pour en faire autre chose. Moi, je me dis que maintenant, la jeunesse qu'il y a maintenant, enfin, les réalisateurs qu'il y a maintenant et tout, ils peuvent très bien arriver à renouveler le genre en se servant des peurs qu'on a maintenant, en créant même peut-être un nouveau type d'héros, un truc comme Je pense par contre que dans le domaine de l'horreur, ils ont du mal à bien renouveler la chose. Hein. Ce n'est pas le débat. On fera un autre podcast pour allez, parler de ça. Dans le domaine de l'horreur. On a déjà fait une émission spéciale Halloween. Oui, effectivement. Mais du coup, je crois que tout a été dit, j'ai rien à ajouter. Oui, Johnny, il trouve que c'est pas optimiste de... Alors qu'en fait, justement, bah, pour rejoindre ce que disait Faye, c'est-à-dire que, à mon avis, ce serait optimiste de vouloir que le genre meure, ou en tout cas diminue drastiquement. Parce que là, on a atteint un stade où les films ne sortent pas parce qu'ils ont un contenu intéressant, ils sortent parce que c'est la mode et il faut continuer l'univers partagé ou en lancer un nouveau. Et on a atteint un stade où c'est pas un film, c'est un produit, mais au sens produit où... Produit de consommation, limite. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que, contrairement à un film comme Sam Raimi ou les Dark Knight de Nolan ou quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de véritable enjeu derrière, il n'y a pas de véritable thème, etc. Il n'y a pas d'auteur derrière. Dans certains, mais la grande majorité des cas, c'est comme ça. Et quand un auteur veut faire un vrai bon film, les studios auront tendance à lui dire « Je veux que ça ressemble plus au dernier Iron Man, je veux que ça ressemble plus au dernier Batman. » Je suis totalement d'accord. Et Faye disait que justement, dans ce genre de période comme maintenant, là, avec le nouveau Zig qu'ils ont là aux États-Unis, les gens ont tendance à vouloir trouver des thèmes forts et à véhiculer des messages. Il y a plus de chances que ça arrive si c'est un auteur qui va voir un studio en leur disant il y a ce personnage que je connais, que j'aime bien, qui correspond à un message que j'ai envie de faire passer. Ça a plus de chances d'arriver que s'il y va en leur disant j'ai envie de faire ça, et que les gars lui répondent désolé mais il est déjà en train de... il est occupé dans le prochain Iron Man, il faut qu'il affronte un gars parce que les gens veulent manger du popcorn. Non, okay. C'est vrai que il y a de moins en moins d'auteurs en fait derrière ces films, c'est surtout des films de commande de plus en plus. C'est vrai que c'est des films de producteurs en fait maintenant. C'est ça, c'est des films de producteurs, et puis on prend le premier réal. Non mais les Russo, ils viennent de la télé quoi. Les Russo ils vont faire Infinity War, ils vont faire le climax de Marvel, ils viennent de la télé. De Community en plus. Et ils viennent de la télé et en plus ils ont pas vraiment fait leurs preuves au cinéma, contrairement à quelqu'un comme Joss Whedon qui lui a pu faire ses preuves au cinéma. Après les Russo, du point de vue des gens qui lisent et qui aiment les personnages de comics, en théorie, si tu aimes vraiment ce personnage, tu vas vouloir plus un vrai bon film sur lui plutôt que la prochaine étape du développement d'un univers où il va juste être mêlé dans la masse. À mon avis, en tout cas. On va enchaîner avec une deuxième question, et la question c'est: est-ce que c'est Marvel qui va tuer le genre? Et on va commencer par Marc. Alors est-ce que c'est... ils sont à leur 14e film, je crois, dans leur univers partagé. Est-ce qu'ils vont tuer le genre eux-mêmes? Je sais pas. Est-ce qu'il va y en avoir un trop plein, quoi? Oui. Il y a un moment, d'ici peut-être 5 ans, ça va saturer. 5 ans? T'es très optimiste. Effectivement. Oui, ça, moi je suis d'accord, hein, je pense pas avant 5 ans quand même. Ah ouais, ouais. Je pense que les gens vont au moins attendre jusqu'à Infinity War. Oui, pardon, non, mais effectivement, ils vont finir leur phase. Des films de super-héros, il n'y en a pas non plus 2 milliards, il y en a 5 ou 6 cette année. Par rapport à la production, c'est pas extraordinaire non plus, quoi. Et puis ça fait beaucoup quand même, hein. Enfin, ça fait beaucoup par rapport à ce qui sort. Après, je pense pas que Marvel tue la franchise, parce qu'eux ils sont bien installés. Alors, bon, c'est paradoxal, mais c'est, à mon avis, c'est plutôt Warner qui va la flinguer. Un, parce qu'ils arrivent après la guerre et qu'effectivement il y a déjà surpopulation. Puis deux, parce que c'est quand même pas bon ce qu'ils font, quoi. Ils vont flinguer leur franchise, pas le... tous les films. Peut-être que tout le monde va mélanger à un moment donné. Ouais, pour Marvel, ce que je voulais dire, ça il m'a coupé, je sais plus. Ah oui, en fait, c'est le grand public, lui, il est pas lassé. C'est plus les gens qui aiment les comics, choses comme ça, qui en ont marre de voir peut-être les héros préférés mal adaptés. Et moi, ce qui me gêne, c'est surtout leur humour. C'est-à-dire, au début, je rigolais, ouais, poète, c'est drôle, quoi. Surtout quand il y a Whedon, je dis comme ça. Mais là, par exemple, je reprends l'exemple de Doctor Strange, qui est pourtant un très très bon acteur, Benedict Cumberbatch. En fait, mais excuse-moi. mais le problème c'est les vannes qui sont lourdes et ils insistent pendant 30 ans au cas où t'as pas compris que t'es gros. C'est là où je veux venir et je me disais, est-ce que c'est la formule, cette recette là qu'on a un peu marre, enfin moi j'en ai marre que moi un fanboy de comics, c'est un mec qui fait une émission sur le comics, puisse se dire ah, putain mais j'en ai presque marre des films Marvel. Est-ce que cette formule va faire lasser le genre? Et qui veut parler? Tout le monde veut parler, bon bah Juni. Yep, elle disait que les gens qui sont le plus fatigués de ces films sont les fans de comics. Le grand public commence aussi. Parce qu'en fait, ils ne les connaissent pas, ces personnages d'avance. Oui, bah oui, donc ça les intéresse. Et comme pas les de structures voir. Des films sont relativement les mêmes à chaque fois, ça arrive très souvent que ces gens sortent des salles en disant c'est quand même tout le temps la même chose. Oui, bah oui. Les Origin Stories, c'est répétitif. Voilà, forcément. Et d'ailleurs, je crois que Doctor Strange, c'était pas censé en être une, mais au final, ça l'était. Et effectivement, c'est les mêmes éléments dans l'histoire. Ouais, tu retrouves moment, toujours. Voilà. Et il n'y a pas d'enjeu aussi. Il y a un peu de ça aussi. Il n'y a pas de méchant. Après, ouais. À savoir si c'est Marvel qui va tuer le genre au total, je dirais peut-être indirectement. Mathieu, tu voulais parler? À chaque fois, il remet son casque et tout bien comme il faut. Bien professionnel. Ne l'enlève pas, au pire. Oui, dans James, en fait, ouais, je suis désolé, mais effectivement, tu disais que toi, t'en as un peu marre des films de super-héros, mais en fait, on s'en fout, c'est pas toi qui sont visés par les films de super-héros. Oui, c'est les gamins. Ils continueront à faire ça, toi. Non, mais voilà, toi, on a surfé sur toi pour lancer la mode, entre guillemets. Ça a marché, maintenant que ça a marché, les types, ils font des films entre 150 et 200 millions qui coûtent, il faut pas qu'ils visent. Mais ce que je disais, c'est que moi, quelqu'un qui de base, va aller voir les films, se dit, enfin, va voir tous les films en disant, ouais, mais ça va être génial, de toute façon, il y aura machin, de toute façon, je vais voir tel héros ou tel. Ou Jean-Michel truc qui va me hyper, que moi quelqu'un qui hypé de base me dit bah, je suis genre Thor Ragnarok, ça me hype. Moi ça me ça va être génial. Non, ça me parle pas du tout, j'ai pas envie moi, de même Logan fondeur, Thor, même Logan je m'en bats les couilles, j'ai vraiment pas enfin mais comment tu parles juste pour terminer ils sont censés rentabiliser leur truc, il faut qu'ils fassent le maximum de vues à travers le monde, mondialisation tout ça paf paf, et tu fais effectivement Faye a raison, et Doctor Strange où t'as 20% d'humour, 20% d'action, 20% de drame, une pauvre infirmière qui sert à que dalle, et t'as un film qui est très fade, qui est magnifique visuellement mais qui est très fade, mais ça a fait quoi, 600-700 millions de dollars de recettes. Bah voilà. Oui, je voulais dire un truc qui me gêne, c'est que au lieu de se concentrer sur la réalisation qui doit être importante, ils vont aller chercher des acteurs qui ont une certaine crédibilité, genre Kate Blanchett, oui, pour des trucs bankable, Benedict Cumberbatch, des gens qui ont été nominés aux Oscars ou qui en ont eu ou quoi, pour dire ah ben regardez, des acteurs sérieux et tout, ils vont faire des films de comics, c'est génial. Et à côté de ça, ben ils vont prendre des gens comme Scott Derrickson qui est quand même assez compétent. Yes Man. Ouais, voilà. Oui. Non, il est quand même assez compétent. Et le mec, on lui laisse faire les deux petites scènes psychédéliques et puis après c'est bon, ta gueule, tu fais ce qu'on te dit. Ouais, mais tu veux dire la même chose sur David Ayer? Ouais. Oh, légèrement. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Bah moi je pense qu'il y aura toujours du monde pour voir ces films en vrai. Enfin, ça va avouer à. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter, je pense. Mais en tout cas, il y a en vrai le public le plus grand visé, enfin le plus grand public qui est visé, c'est surtout les familles, tout ça. C'est un côté très familial. Enfin, nous, on parle en tant que passionnés, mais on se lasse de ça. Mais en vrai, c'est surtout les enfants et les parents qui vont voir ça entre familles. Donc, forcément, ça va durer encore bien 5 ans, je pense. Hein. Il y a moyen. On va finir sur une dernière question. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a? Marc, tu voulais parler? Ouais, parce que moi, c'est une question que je me pose souvent. Vas-y. Je vais essayer de faire court. C'est quand tu prévois tes films sur 5 ans à l'avance et qu'au bout d'un moment ils se mettent à plus marcher. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Et ouais, et toi t'es producteur et t'as tout qui est déjà tout prêt. Tu produis plus. T'annules. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas garder les trucs dans les cartons? Bah, regarde Fantastic Four. Ça reste dans les cartons. Ouais, regarde bientôt Warner surtout. À Spider-Man, ils ont rebooté 3 fois en 6 mois, non? À peu près, ouais. Non, ça marche pas, tu recommences, pas de problème. Mais voilà, ça partait sur ma problématique, c'est qu'on voit la formule Marvel et la question c'est est-ce que tous les autres studios, comme on a vu Suicide Squad, qui vont s'enfoncer dans ce gouffre de viens on fait des trucs avec un truc avec de l'humour partagé. Et voilà, même pas l'univers partagé, un côté on laisse aucune liberté créative et on fait la même recette que Marvel. Et moi c'est la question que je me pose, est-ce que Warner, parce que moi c'est l'impression que j'ai eu en regardant Suicide Squad, j'ai eu l'impression de voir un Warner qui essayait de faire un Marvel. Léopold qui levait la main en premier. Oui, alors moi je pense que ce serait bien en fait, peut-être une nouvelle idée pour apporter un nouveau public, ce serait de faire du cinéma. Yep. Ouais, ce serait bien. C'est pas une mauvaise idée. Non mais c'est vrai parce que est-ce que quand on voit Ant-Man, on a l'impression de voir du cinéma? Moi personnellement non. Moi j'ai l'impression de voir un épisode de série télé à gros budget. J'aime beaucoup le choix parce que Ant-Man était censé être réalisé par Edgar Wright, par un vrai auteur. Par exemple, c'est ça, c'est le conflit Marvel, c'est t'as Ant-Man qui bosse, t'as Edgar Wright qui bosse sur Ant-Man depuis 2009. 2009, le film sort en 2015 et qui sort, enfin qui est viré du projet au bout de 5 ans de travail. C'était un des premiers projets du MCU, Ant-Man, et ils prennent à la place le premier Yes Man venu, Peyton Reed, qui est une réalisation totalement insipide. Yep. Voilà, donc c'est hyper triste que Marvel parte en fait dans cette optique de je vais prendre des réalisateurs de télé, je vais prendre des réalisateurs de direct ou DVD. C'est le cas de Thor Ragnarok, hein, Taika Waititi, il a fait un direct ou DVD juste avant. C'est un peu triste quand même de pas prendre des cinéastes. Ils reprennent. Donc quand tu regardes, donc, j'aime pas trop David d'ailleurs, mais c'est quand même quelqu'un qui a une patte et qui a un vrai auteur avant d'avoir fait des films. Ouais. Et là tu regardes Suicide Squad. Est-ce que tu vois vraiment la patte d'un auteur? Bah justement, pas du tout. J'allais enchaîner là-dessus sur le fait que Warner, c'est plutôt connu comme à Hollywood le studio des auteurs. Bon, faut mettre des guillemets, hein, mais c'est plutôt connu comme le studio qui va justement chercher des vrais réalisateurs, des gens qui ont une compétence et qui ont des thèmes, des auteurs. Et c'est ce qu'a fait Warner pour le début de son DC Universe avec Snyder, qui peut être considéré comme un auteur, hein, qui a ses thèmes, ses gimmicks visuels. Oui, c'est sa patte, il a une vraie patte d'auteur. Qui a une patte, donc Snyder a été plutôt un bon choix, un choix, ouais, plutôt approprié pour faire des films. Pour le très coup, bon choix. Pour le coup, oui. David Ayer, bon pareil, Watchmen. David Ayer, c'est un réalisateur, je sais pas si on peut le qualifier d'auteur, mais en tout cas... C'est quelqu'un qui a une patte, ouais. Et il était plutôt bienvenu pour Suicide Squad parce qu'il a une patte aussi, et il a fait beaucoup de films de groupe, en fait. Oui. Il a fait énormément de films où il suit... Mais on la retrouve pas, sa patte, moi c'est ça qui me pose problème. Et c'est gênant, et c'est gênant aussi à ce niveau-là, mais par exemple, pareil, Patty Jenkins sur Wonder Woman, James Wan sur Aquaman, c'est des bons choix, c'est des bons réalisateurs. Ce qui est dommage, c'est que Warner ne fait pas confiance à ses auteurs. C'est bien de prendre les bonnes personnes. Bah oui. C'est bien aussi de leur faire un peu confiance. Par exemple, David Ayer, qui s'est fait totalement charcuter son film. Il a fait une lettre de mea culpa aussi il y a une semaine, justement. Mais c'est vrai que c'est un peu triste de prendre des gars qui sont qualifiés et de leur mettre des bâtons dans les roues. Mathieu ? Ouais, juste pour rebondir sur ce que disait Léopold, effectivement c'est flippant parce que Warner a l'exemple Marvel, vu que Warner est arrivé derrière, Marvel qui effectivement commence à lasser un petit peu de par sa formule, et tu pourrais justement tenter d'apporter du sang neuf, renouveau, et relancer quelque chose en ne faisant pas la même erreur que Marvel, mais ils font pour l'instant exactement pareil, en mettant certes des bons gars aux manettes, mais en faisant des films de producteurs, et finalement... Sur un film, sur Suicide Squad, parce que sur... quand tu regardes BVS, la Justice League... BVS, c'est intéressant parce qu'ils ont tenté de faire autre chose que mais Marvel. Ouais, BVS essaye de faire autre chose que du Marvel. Attends, il y a des défauts dans le scénario, des défauts dans les animaux. Tu peux dire tout ce que tu veux sur BVS, ça reste quand même un film d'auteur. Oui, mais depuis ils ont baissé le pantalon. Oui, depuis ils ont baissé le pantalon. Il y a Juni qui voulait dire quelque chose. Ouais, le truc dont il faut se souvenir, c'est que lorsque Warner Bros a annoncé qu'ils allaient commencer à faire leur univers partagé, leur gros argument de vente c'était... Ouais, nous on est sombre, nous on est... Non, pas le côté sombre. Leur argument de vente c'était: Marvel fait des gros films popcorn pour la grande masse, nous on va faire des films d'auteur. On va faire confiance à nos réalisateurs, on va faire des vrais bons films, genre des classiques. Le problème, c'est que comme il disait, ils ont récupéré des gens avec un vrai talent pour la mise en scène, etc. Mais ils ont mis ça au service d'un univers qui a été construit à la va-vite, où le réalisateur, on lui demande de je faire sais des si shoots. C'est vraiment la faute de l'univers. Non, laisse-moi finir. On demande au réalisateur de faire des shoots, et ensuite on récupère les scènes qu'il a tournées et on les fait monter par un studio qui fait des bandes annonces. En fait, ils respectent pas leurs auteurs, ils respectent pas leurs personnages, ils respectent pas leur univers, et ils essayent de faire ça à l'arrache. Thomas, tu voulais dire quelque chose. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de lever la main. Vas-y. Non, tout simplement, moi, mon avis sur ça, c'est que... Ok, Simer, à la prochaine. Non, c'est que tout simplement, je pense qu'ils avaient une bonne idée à la base, comme la plupart des gens l'ont dit, en prenant des bons réalisateurs, tout ça. Ouais. Et que sur BVS, bon, déjà, je trouvais que... Enfin, toi, James, non, mais je trouve que déjà sur BVS, on sent vraiment beaucoup la production qui s'est installée dedans et qui a donné ses idées, qui voulait mettre ça, intègre la Justice League dès le premier film. Et ensuite, bah, je pense que vraiment ça se tourne de plus en plus vers une recette qui pour eux doit marcher, alors que ça marche pas. Enfin, niveau visuel en tout cas, et ce que ça rend finalement avec Suicide Squad et la scène post-générique. Je trouvais que c'était abusé de mettre une scène post-générique, genre vraiment, regardez, on a copié Marvel, genre carrément. Ils disaient qu'ils le feraient pas d'ailleurs. Ah ouais, ils avaient une réaction très prétentieuse par rapport à ça. Moi je trouve qu'ils ont pas tenu leur parole en tout cas. On va passer à la deuxième pause musicale. Oh, j'allais parler. T'as, bon, vas-y. C'était vraiment important ce que t'as à dire. Bah, c'était pour rebondir. Vas-y. Je sais, le problème de Warner, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils veulent s'adresser. Est-ce que c'est au grand public? Est-ce que c'est aux fans de comics? Et du coup, ils prennent un peu tout ce qu'il y a. Et par exemple, il y a eu, je me dois d'en parler, la polémique sur la place des femmes dans cet univers. Et là, comme par hasard, ils ont entendu que les gens râlaient sur Marvel et tout. Ils ont dit, tiens, on va prendre une femme pour réaliser. Mais est-ce qu'ils le font parce que cette femme a des qualités? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est une femme? Et c'est ça qui est très dommage. Oui, mais ça va être la même question que quand tu mets un coach. Oui, c'est la même question que pour tout n'importe quoi, mais voilà quoi. C'est et puis merde, puis il faut plus de femmes dans ces univers. Elles sont reléguées au second plan, elles servent à rien souvent. C'est, une, bah, c'est vraiment vrai, et on va on va finir. Et sur, ils ont Joss Whedon et ils ont fait faire n'importe quoi dans Avengers 2, merde. On va conclure après. Alors on passe à la deuxième chanson, la deuxième pause musicale, et c'est par rapport à à un film dont on a parlé tout à l'heure, Logan. Yes. Donc c'est Johnny Cash, Hurt. C'est pas déprimant. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, miles away, I would keep myself. I would find a way. Et on est de retour pour vous parler encore une fois de super-héros, du genre super-héroïque au cinéma. On n'a plus beaucoup de temps, donc on va faire un dernier tour de table vite fait pour vous parler par rapport encore à la chanson, puisque c'était Johnny Cash Hurt qui était dans la bande-annonce de Logan. Et la question que je vais vous poser, c'est: est-ce que Ben Affleck est le futur messie de l'univers super-héroïque? Non, je rigole. C'est pas vrai. Après avoir vu Life by Night, je te dis non. Hein. Effectivement. S'il arrive à en faire un de film Batman, ça c'est pas ça. Effectivement. C'est pas certain. Bon, la question question que je vais vous poser, c'est comment vous voyez le futur du genre super-héroïque, les films qui vont sortir, qu'est-ce qui vous hype, qu'est-ce qui vous hype pas. Et on va pas faire les meilleurs films, pires films, c'est pas très intéressant. En deux secondes, si vous avez le temps. Et on va commencer par les invités, comme tu as ton micro devant, on va commencer par Marc. Vas-y. Alors, ce qui me hype ou. Ouais, ce qui te hype sur. Alors, comment là, tu vois le futur. Je suis bien hypé, moi, de Spider-Man Homecoming. Ouais. Bah comme tout le monde, je pense. Non. Moi si. Au pire, on fait ce qui te hype et ce qui te hype ou pas. Moi l'univers Warner, de toute façon c'est pas mon. D'accord, bon, tu arrêtes de parler, on passe à quelqu'un d'autre. Non, vas-y, continue. La Justice League qui arrive, ça m'intéresse pas du tout. Ok. Je ne te parle plus. Vas-y, Léopold. Même moi, en grand fan de Justice League, même moi, en grand fan de Batman et Superman, Justice League, ça me fait peur parce que le trailer, c'est du Marvel, avec une esthétique un peu mieux, ok, mais c'est pas un vrai trailer. C'est pas un vrai trailer. Vas-y, on continue sur. Et qu'est-ce qui te hype? J'avoue que ça me fait un peu peur. Pour l'instant, ce qui me hype, c'est Logan, parce que Logan, il adopte un parti pris qui me fait plutôt plaisir et qui, je pense, pourrait être une clé de sortie pour le genre super-héroïque, parce que c'est un film qui est pas vraiment un film de super-héros, c'est un personnage. Super héroïque, c'est un super héros déjà déchu, mais ensuite qui est dans ce qui semble être un road trip western post-apo, pas vraiment un film de super héros comme on l'entend. Et ça peut être intéressant. Je me dis que un truc qui change pour une fois. Voilà, c'est ça. Mettre des personnages de super héros dans un film qui change des films de super héros classiques, ça peut être intéressant. Ça peut être cool. Genre il y a ça, enfin dans un genre complètement différent. Il va y avoir un épisode de série musicale Flash. Non mais mon dieu. Non mais je sais pas. On parle de cinéma là, on parle pas. Oui mais par exemple amener les super héros dans un contexte différent, en faire qu'une structure de super héroïque classique. Ouais. Et ça peut être pas mal. Et Logan, c'est un James Mangold super réalisateur. J'avais beaucoup aimé Le Combat à l'Immortel. Il y a une bande annonce qui franchement de perdre toute crédibilité. Le film fait tous les bons choix pour moi. Non mais c'est vrai, je trouve que tu viens de dire qu'Origine c'était sympa aussi. Non, on va pas partir sur ce débat. Le Combat de l'Immortel, je suis désolé, mais ça se voyait qu'il y avait un réalisateur derrière. on avait dit rapide, on va passer à Johnny. Donc comment je vois le futur? Et qu'est-ce qui te hype et qu'est-ce qui te hype? En grande majorité, je ne le verrai pas. C'est-à-dire que je ne regarde plus les X-Men, Deadpool me tente pas particulièrement parce que le premier était bien, mais je considère ça un peu comme une blague qui marche une fois, en gros. Ouais. Les films Marvel, en dehors de Black Panther et le prochain Avengers, les autres ne m'intéressent pas, en fait. Tu es quelqu'un très optimiste, en fait, Johnny. Non, mais comme j'ai dit, c'est le truc du gâteau. Au bout d'un moment, le gâteau, on t'en a tellement donné que voilà, quoi. Donc, en dehors de quelques crèmes particulières à mettre dessus qui t'intéressent un peu, Logan a l'air très intéressant. Justice League, je veux pas. En fait, les films Warner Bros, je ne veux même plus les voir parce que j'ai l'impression que la compagnie se moque de moi. Non mais c'est vrai. Bah tu fais ton malin, vas-y, tu parles toi. Moi en fait j'ai une attente pendant très longtemps sur Spider-Man Homecoming, mais quand j'ai vu la bande annonce je me suis dit bon, ça va se rapprocher beaucoup de ce que fait Marvel d'habitude, mais vu que c'est un personnage que, enfin c'est mon personnage préféré chez Marvel, donc voilà, j'attends beaucoup ce film, mais c'est comme ça qu'ils ont ton argent. Ouais voilà, c'est exactement ça, c'est juste pour la consommation de voir Spider-Man au cinéma, tu vois. Après j'ai vraiment pas envie de voir Justice League, mais je le verrai quand même parce que c'est la consommation, comme j'ai dit. J'ai pas envie de le voir, mais j'irai voir quand. Mathieu, c'est pour avoir un avis et débattre dessus, tu vois. D'accord, pour l'émission. Alors moi je vais pas cracher dans la soupe. Ce qui me hype, c'est la fin de l'ère Marvel au cinéma avec les deux Avengers, parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait et que c'était quand même les 80 cool. Persos, c'était quand même vachement cool de voir Captain America, Thor, Iron Man et tout ça. Moi je me suis régalé au ciné, donc je vais pas cracher dans la soupe, c'est ça qui me hype. Après je suis quand même inquiet, je suis surtout inquiet pour Warner pour l'année prochaine, parce que je vais pas dire du mal, c'est juste que l'année prochaine ils ont 3 films, The Flash, ils ont perdu les réalisateurs, ils font refaire un scénario. Ils font refaire le scénariste, oui, The Batman a priori est pas sorti, il reste qu'Aquaman. J'ai peur qu'effectivement ça va être vraiment un passage clé là, 2018-2019, parce que je sais pas si Warner va arriver à rebondir, est-ce que Marvel va arriver à rebondir après sa grosse période, et au fond on s'en fout parce qu'il y aura l'épisode 8 et 9 de Star Wars et Han Solo et le reste. Mais voilà, faut obligatoirement qu'il fasse. Bon, ouais, on parle de Star Wars, donc obligatoirement c'est Faye qui va parler. Vas-y, Star Wars, oui, ça me hype. Mais sinon, question film de super-héros, voilà, moi je vais les voir parce que je suis très très gentille et que je vais avec toi. Mais sinon, le seul qui me tente vraiment, ça serait Les Gardiens. Voilà, elle m'a piqué mon truc. Parce que voilà, il y a Chris Pratt, l'homme le plus drôle du monde. Effectivement. Merci de te taire. Et que Les Gardiens, c'est quelque chose. Tais-toi, merci. Que les gardiens, c'est autre chose que ce qu'on a eu. C'était un peu novateur parce qu'il y avait un côté science-fiction avec de l'humour. Et si t'es pas trop film de super-héros, ça te permettait de rentrer parce que. Et qu'est-ce qui te hype moins? Non, on ne réagit plus. Ah, bah alors après, c'est vrai que Warner me fait très très peur parce qu'ils savent toujours pas où ils vont et ce qu'ils veulent faire. Ils se moquent de toi, je te dis. Voilà, et puis ils peuvent pas dire on vous fait une version longue pour s'excuser et faire du caca. Il y a Lego Batman et Wonder Woman aussi. Lego Batman, ça va. Bon, bah, qu'est-ce que j'attends? Bah, moi, j'attends Lego Batman parce que ça va être génial. Il y a Will Arnett. Il y a Will Arnett dedans. Bon, même si t'étais dans Tortue Ninja, que c'était pas génial. Will Arnett en Batman, ça me vend du rêve. Tout l'univers Warner, je suis un fanboy, mais j'assume être un fanboy. Tout l'univers Warner me hype. Et qu'est-ce qui me hype moins? C'est dur. Voilà. Tu râles, mais je râle, mais je vais tout voir. Moi, j'ai rien à dire. C'est incroyable. Je donne juste la parole. Moi, j'attends le Batman et Robin des temps modernes. Et merci à Léopold d'être venu nous passer un petit coucou. J'espère que tu reviendras. Et avec grand plaisir. Merci à vous. Allez sur sa chaîne The Viewer. On la mettra dans la description. Vas-y, passe un petit coucou. À mon oncle Fred qui nous écoute et à ma copine Marie. Ok. Deux mecs qui nous écoutent. Ouais. Marc, yes. Est-ce que t'as une dédicace à faire? Non, des dédicaces. Bon, à tous ceux qui nous écoutent aussi, ma copine. Merci d'être passé. Dédicace à ma maman. C'est un plaisir. Si tu veux bien, je reviendrai si ça t'intéresse. Ouais, avec plaisir. Sur ce, on va vous laisser. La semaine prochaine, on va vous parler de Riverdale. J'espère que vous êtes contents. Vous allez devoir regarder Riverdale. C'est quoi? Et on va vous parler d'un autre comics. J'ai oublié le titre. On va vous parler d'un comics. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Comics Discovery, sur Twitter, Comics Discovery, sur Instagram, Comics Discovery. Sachez que vous nous écoutez peut-être le lundi, mais on en rediff aussi le vendredi de 9h à 10h. Pour Comics Discovery, je pense que tu l'as Comics passé. Comics Discovery, exactement. Vous pouvez retrouver le site internet où vous pouvez retrouver maintenant. D'ailleurs, on l'applaudit, il a fait sa première critique. Vieille critique sur le site internet où tu parlais de Punk Rock Jesus. Ah, c'est vrai, hein, t'as vu? Ouais, c'était cool. On va vous laisser avec Flight Night Orchestra, et j'ai complètement oublié je crois que c'est Stiletto le titre de la chanson. Et voilà, c'est Stiletto, merci. Et puisqu'il vient de merci à Tom, à la technique, bravo à lui. Et à la semaine prochaine, allez, bye bye. Your presence is needed tonight. Wiped out.